L'actualité à Nancy et ailleurs. Le festival Vent d'Influence revient du 15 mars au 14 avril pour une 11e édition. Nathalie Dassy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des actions culturelles à Vent d'Influence Nancy. Tout à fait. Une célébration culturelle et enrichissante, c'est ce que nous promet cette nouvelle édition de Vent d'Influence. Cela résume bien l'ambiance et la philosophie du festival. Eh bien, tout à fait, oui. Je cherche à mettre en avant les esthétiques différentes en musique. Et ce mot influence me paraît bien enveloppé. Justement toute la programmation comme je la souhaitais. C'est pour ça que vous pouvez y trouver les Ramoneurs de Menhir, le groupe bien connu dans notre région Ouse de Cubane, et puis également un workshop autour de l'opéra de Puccini qui sera la Bohème cette année, et également Polnaroid, parce qu'effectivement, Vendeuvre, on essaie aussi de bien mettre en avant la chanson française. Vous savez qu'il y a une histoire de la chanson qui se crée à Vendeuvre. Donc dans ce festival, eh bien, je vais pouvoir vous proposer effectivement quelque chose d'enrichissant, d'inoubliable, j'espère bien, avec un grand éclectisme pour effectivement toute la population vendeupérienne, mais pas que. Ce sont des points très intéressants pour toute la région, je crois, de venir écouter Polnareff, parce que Polnareff, c'est quelqu'un qui a enchanté les années 60 et qui est un excellent musicien, un excellent pianiste. Notre volonté cette année avec l'équipe du Centre culturel de Vendeuvre, avec mes agents, de mettre en avant les Ramoneurs de Menhir et l'ambiance celtique. C'est pour cela également que nous allons faire une journée familiale celtique le 23 mars. Et là, vous pouvez trouver tout votre bonheur. Si vous aimez les crêpes, venez manger une crêpe. Mais si vous avez envie de danser les danses bretonnes, celtiques, voir les costumes, eh bien venez, vous aurez des rendez-vous de 11h jusqu'à 23h autour de la musique, des ateliers pour les enfants. C'est pour ça qu'on se dit journée familiale avec création de dessins autour de petits dessins celtiques, beaucoup de musique le soir style bal folk. Enfin, toute la journée va vous engendrer de belles découvertes. Et quand on parlait du festival Vent d'Influence, on aura aussi une exposition des festivals Vent d'Influence que j'aurais mis en place depuis 2018 jusqu'à 2024, oui, avec les photos de Jackie Johannes, qui est un photographe vendopérien très connu dans la région, puisque c'est vraiment une entité, un dictionnaire, je dis, des photos du NJP, du Centre CCAM. C'est quelqu'un qui a vraiment vadrouillé pendant toute sa vie et qui est un collectionneur génial. Il nous propose donc 30 photos dans la salle Koskovitch qui se trouve au domaine du Charmois. Et ça, c'est magnifique pour moi parce que l'autre fois, j'ai vu les photos, on s'est replongé dans les programmations depuis 2018. C'est vraiment fantastique. Une 11e édition, donc très riche encore cette année avec, vous l'avez dit, cette exposition et cette ambiance celtique au domaine du Charmois qui vient compléter les concerts que vous avez cités exactement avec Plantec, oui, et les Ramoneurs de Menhir. Voilà, nous commençons effectivement dès vendredi, le 15, avec l'ambiance celtique, les Ramoneurs et Plantec. Vous avez cité également Polnaroid, donc ce tribute autour de la musique de Michel Polnareff. Un mot sur le workshop autour de la Bohème de Puccini, là, qui va venir clôturer en apothéose le festival. Effectivement, clôturer le samedi 13 et le dimanche 14. Les restitutions se feront à 17h sur réservation, parce que l'année dernière, nous avons beaucoup, beaucoup de monde. Donc on espère que nous arriverons à faire rentrer toutes les réservations. Donc on a deux dates. Ce sont donc des élèves qui sont déjà dans des classes de lyrique, donc ils ont une carrière professionnelle qui s'annonce. Ils vont être donc encadrés à ce moment-là toute la semaine. Donc c'est Nancy Opéra Passion qui organise toute cette semaine. Ils vont être donc coachés tous les jours de 14h à 18h et dans le domaine du Charmois, donc c'est dans la salle dîner. Et ce sont des moments qui sont ouverts à tout public. L'idée, c'est de faire vraiment partager toute culture. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez vous promener toute la semaine et venir de temps en temps autour de cette classe, autour de Bohème, encadré par différents coachs de réputation internationale. Il y a vraiment une grande diversité. Il y a des spectacles payants, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de rendez-vous qui sont à très bas prix ou même gratuits. Oui, on a des rendez-vous qui sont gratuits. Par exemple, là, donc, comme je vous disais, vendredi, nous avons les Ramoneurs, donc là, c'est payant. Le samedi, on fait une petite soirée Saint-Patrick avec l'ensemble celtique de l'école de musique. Donc là, c'est gratuit. Vous pouvez venir danser, écouter. Vous avez des élèves, vous avez un partage familial et professeur de l'école de musique de Vendeuvre. ainsi que le dimanche avec le Festibois qui commence. Et donc on l'a intégré, puisque ce sont des rencontres des classes de l'école de musique. Donc on reçoit Sophie Dufetrel qui va diriger les enfants, et ça c'est le concert le dimanche à 16h. Donc encore des petits ateliers, vous voyez, on ouvre beaucoup aux enfants, mais pour toute la population intergénérationnalité, évidemment. Voilà, on peut retrouver bien entendu tout le programme hein, sur le site de la commune de Vendeuvre, hein, vendeuvre.fr. Nathalie Dassy, vous connaissez ce festival depuis 2018. Si vous deviez le résumer en 2-3 mots pour donner envie aux gens de venir découvrir, quelle que soit la date, quel que soit l'événement. Écoutez, c'est vraiment le moyen de se rencontrer. On sait que de toute façon, la culture pour le mieux vivre ensemble, c'est de construire ensemble, d'imaginer ensemble. Donc là, c'est venez, prenez, discutez avec nous, venez partager un moment, et on est vraiment sur un terrain de confiance pour ouvrir à toutes les cultures, de toute façon, puisque j'ai oublié de vous dire, on a du rap quand même. Oui. Vous voyez la programmation comme elle est éclectique. Donc venez profiter parce que c'est le seul moyen de partager et d'ouvrir la culture à tous. Vent d'influence, 11e édition, c'est du 15 mars au 14 avril. Merci beaucoup Nathalie Dassy. Eh bien de rien, j'espère vous retrouver sur le terrain avec grand plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.